L'album arrive, les Srab. Vous êtes pas prêts? On charbonne ça comme des Chinois, mon pote. Lorenzo débarque, foute la merde, on saccage la baraque, on va fumer votre air. Briquet devant mon cul, je crache le feu comme un dragon. On a pimpé ta meuf sous ses fesses, y'a des néons. Je suis le grand frère de Pascal, le grand frère. Ce soir, je suis de garde, j'ai des très bons somnifères. Aux quatre coins de la France, y'a des traces de mon mosper. Je les fais fumer pour les faire taire. M'amène, je porte un sky sous les straps. Et toutes les plus cocasses qui viennent nous sucer sous la table. Je suis le grand méchant loup qui fait peur dans les fables. J'ai 86 enfants et 132 femmes. Y'a pas de cours de magie donc je vais pas à la fac. Ma beat Wingardium devant Emma Watson. Patrick et Charlie, c'est la fuck, tu la pack. Les rappeurs s'inclinent, Tupac m'a demandé pardon. Aval, c'est riche en oméga 3. Cavale sur mon cheval de Troie. On drague les pucelles avec du passo A. Je suis là pour piquer les beurrettes de Booba. J'ai largué mais on peut toujours baiser. Je fais des périscopes plus sales que Serge Aurier. La sœur de la mère de ta cousine, j'ai dit que la sœur de la mère de ta cousine. Je veux mater le foot, elle veut manger mon foot. J'aime les sports de baisse et de combat. Je suis déshydraté, ma mère, j'éjacule en poudre. Y'a ceux qui m'aiment et ceux qui t'aiment pas. Je t'envoie ta commande par pigeon voyageur. T'inquiète, ils sont sous coque, ça arrive dans le quart d'heure. Désolé la miss, le sexe est baladeur. N'oublie jamais que du sale, je suis l'empereur. Dans le hit machine, je vais rajouter un tube. On zappe tous tes sons comme si c'était la pub. Un verre à la pâte, tu peux m'appeler rouge gorge. À l'école, c'était moi qui venais donner des ordres. Une au bout de la queue et l'autre au bout du fil, je les fourre à la chaîne comme un chinois à l'usine. Du charbon des grosses, vas-y tu me fais de la peine. J'ai écrit l'album et record en 2 semaines. Ah, est-ce que t'es toujours debout ma man? Ou mon freestyle t'a mis à terre? Ha. Eh, retourne couler des grosses dés, espèce de drogué. On est là pour pervertir la jeunesse.